Et vous arriviez à combien d'archers par jour après ? Ah ben après, je vous dis une douzaine, entre une douzaine, 18 par jour. Ah oui, ça c'était le... Mais je faisais le finissage, c'est-à-dire que on me donnait la baguette toute faite, oui. La hausse, et puis les vis, les boutons d'archer, etc. Alors il fallait limer la vis pour la marcher dans le bouton. Mmh. Et puis ensuite, on ajustait la hausse sur la baguette. Mmh. Après ça, on polissait la hausse. On la polissait à trois papiers. Mmh. Et puis on la polissait après avec de l'huile et de la pierre ponce, etc. Ouais, ouais. Ah, de l'huile et de la pierre ponce. Oui.